Excusez-moi, ma sœur. Comment allez-vous? Bien. Bon. Le mot apocalypse, ça vous dit quelque chose? Évidemment. Apocalypse, c'est le mot grec pour révélation. Révélation. On va instaurer notre hégémonie, éradiquer la félonie, bannir les esprits obtus pour bonifier toutes ces idées reçues du rap, sans prétention et surtout sans être présomptueux. Être à la hauteur de nos ambitions pour consolider notre bastion, guerrier de l'apocalypse. Moi j'ai que le rap pour celle viatique. Stylo bic au point, cerveau fécond pour de meilleures tactiques. Comme tactile, je suis au platine et fais trop de victimes. J'ai mon pareil au mic comme Coppola et toute sa team. Ascension irrépressible d'ATK dans les bacs. Tu veux nous voir sombrer, ce sera à Pâques ou à la Trinité. Je veux connaître nos révélations, apocalypse en ébullition. On veut atteindre le sommet, mais plus de rêves que de raisons. Pourtant on persévère ici tant qu'il y a de la motivation. Difficile de se faire une place dans cette modination. De 21 on passe à 7, et de 7 on passe à 6. Ouais. Notre effectif se réduit mais on poursuit notre exercice. Antilope ça axis, apocalypse pour l'intro. À croire que quand on était 7 en fait on était un trop. Mais cap l'intrigue cette fois de notre album tu resteras accro. Texte sincèrement écrit, donc lève tes bras et crie.